Another game from the studios of freeonlinegames.com. Hey, guys. Package 1329 over the George Washington Bridge. One to the airport right now. What's your error? I'll check if you need us. This is for Papa Yes, Drew. Anatole Goguenard, QSM l'observe, fait preuve de connivence, vous expose le théorème en font la démonstration devant toute assistance. L'Eric Risk, les Américaines, le squamat ondule, le serpent attaque, tabasse à qui pâte, violent comme un pupule. Anaconda n'est pas un Jedi, mais il détient tout leur pouvoir. Il s'en amuse avec délectation, surtout quand vient le soir. Seul USN a bénéficié de la totalité de sa formation. Le théorème est proclamé, enrobé de très gros sons. Il existe une théorie contradictoire qui circule ici et là dans l'atmosphère. L'anaconda fait venir dans la véranda les prophètes délétères. Puis c'est matériel alors, frappé fort que Goldorak, il tabasse. Le squamac va souffrir. Il contre-attaque et porte le coup de grâce. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Package 1529, turn right 2.